Boire un verre avec un phoque de Claude Fay. Ce jour-là, la lumière du ciel était fade. Pourtant, j'étais plein d'énergie car je me rendais dans une galerie marchande retrouver mon copain Calypso. C'est en courant que je me dirigeais vers l'immense bâtiment en forme de boîte à chaussures. Le sentiment de joie me venait aussi de ce que j'étais tellement flattée de sa visite. Mon ami savait tellement de choses. J'ai fait tellement de chance de le connaître, de l'aimer, d'être aimée par cet animal. Je frétillais de gratitude sur le trottoir, au bout duquel je savais que je le retrouverais dans le petit bar que j'avais choisi. Calypso et moi, nous nous voyons rarement. J'irai loin pour lui. On s'est connus en mer, au large des Sept-Îles, il y a plusieurs années maintenant. Il prend tant de risques pour venir jusqu'à moi. Parfois, je préférais que ce soit moi qui aille à sa rencontre. Je trouve qu'il se mettrait moins en danger. Quand il est là, je suis content, mais j'ai peur pour lui. Seulement, il insiste. Il dit qu'il a le droit d'être curieux et de voyager. À sa façon, il est prudent. Il ne fait aucune provocation. Quand il vient, il a le bon goût de porter un manteau qui masque sa belle peau luisante. La dernière fois, je lui avais conseillé de venir dans un véhicule à roulettes pour ne pas imposer sa réputation. Calypso m'a répondu qu'il se sentait bien comme il était et que son vêtement suffisait. Espérons. Ah, ça y est, les grandes portes automatiques s'ouvrent et je remonte l'allée centrale. En son milieu, là, je reconnais ses yeux à la dernière table. Il s'est installé sur un tabouret. Oh, je me penche vers lui. Ses vibrisses me chatouillent. Comme on est content de te voir! Comme je suis content, et moi donc? Ah, on se tapote le dos, les bras, la tête. La sienne est toute ronde. Comme à chaque fois, il y a tant de choses que nous partageons, même si nous vivons dans des univers qui n'ont rien en commun. De quoi parle-t-on? De banalité. Comment pourrait-on résumer notre entente? La nature n'est pas bonne, elle est belle. Belle. Ah, nous répétons ça avec tant de plaisir. Dans la chaîne alimentaire, tout le monde a ses contraintes. Il y a des drames qu'on ne peut pas éviter. Les animaux carnivores mangent les herbivores, mais ils ne dégomment pas tout un paysage pour gaver les lois du commerce. Voyez ? C'est dans des considérations comme ça qu'on savoure notre alliance. Nous sommes si bien à boire ce verre ensemble. Mais soudain, je le vois plisser les yeux et fixer quelque chose derrière mon épaule, de l'autre côté de l'allée marchande. Une idée a l'air de germer dans sa tête. Calypso, qu'est-ce que tu regardes ? Je réfléchis. C'est que j'ai des poches. Je pourrais rapporter quelque chose à ma belle et à mes petits blanchons. Nous avons eu deux petits cette année. Si tu savais comme ils sont beaux avec leur fourrure blanche et leurs grands yeux noirs. Quelle douceur, mes petits. Ah, quel amour. Ah, mais qu'est-ce que c'est en face? Ils ont des choses colorées. Je ne comprends pas ce que c'est. Tu as une idée? Oui, non, mais... In petto, je me dis, oh non, je connais ces boutiques de cuir de requin, de peau de ceci, de peau de cela. Oh là là, j'imagine le débat. Se nourrir de protéines animales, oui, peut-être, mais écorcher des corps pour fabriquer de la maroquinerie, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas sûre qu'ils connaissent cette affreuse réalité. Craignant une discussion à ce sujet qui ferait souffrir Calypso, dont le cœur est, je suis bien placée pour le savoir, sensible. Je finis par dire « Approche-toi si tu veux, mais franchement, rapporte plutôt. Ah, y a quand même des trucs qui m'intriguent, mais en quoi c'est fait ? À quoi ça sert ? Mais ça ne sert à rien. Tu veux pas un sorbet, Calypso ?» Mon ami me répond que je suis prévisible. Tu me parles de sorbet à chaque fois. Je te répète que les phoques ne vivent pas forcément toute l'année sur la banquise. Je t'assure que nous... Il s'interrompt alors qu'il s'est approché tout près de la vitrine. Il pousse un cri étouffé et tombe lourdement sur le dos. Je me précipite à son secours. J'ai le temps de croiser son regard, profond et triste, si triste. Mais il se redresse et glisse loin de moi. Je l'appelle, bien sûr. Calypso ! Mais son corps que j'adore a déjà disparu dans l'allée centrale de la galerie marchande. Et moi, je suis là, les bras ballants, devant cette boutique, où sont présentés des porte-clés garantis en peau de très jeune phoque. Moi aussi, je m'écroule. Que c'est moche! Que c'est moche! Son cri d'animal trahi reste dans mon oreille. Mais il y a d'autres cris là-bas, à l'autre bout du hall. Et, oh, sur un écran au-dessus du bar, voici une diffusion d'images. On y voit des journalistes qui interrogent les clients des magasins de la galerie. Certains témoignent d'une excitation, d'autres veulent des sanctions. Ça hurle. C'est dangereux! Comment se fait-il que la sécurité laisse passer des trucs pareils? Un enfant demande. Pourquoi est-ce que les adultes penchent toujours à s'inquiéter? Voilà, ensuite après ce chaos, tout est redevenu calme, normal. À chaque fois que Calypso vient, quel que soit notre point de rendez-vous, l'humain gâche d'une façon ou d'une autre la belle curiosité et l'incroyable confiance dont il fait preuve. Après ces visites, je fais parfois des rêves où je me réveille en criant. Je dois alors m'enfoncer la tête dans mon oreiller. Mais le regard de Calypso est en moi et je lui suis fidèle. Oui, la nature est belle. Oui, j'aurai le courage de la défendre.